Le micro est ouvert, c'est à toi. Golajo est mauritanien, donc du coup j'avais envie d'en savoir plus. Et donc je suis allée sur le net, cette immense étoile, cette toile d'araignée de l'information. Et je suis tombée sur un édito, être mauritanien aujourd'hui. Ça date du 24/4/2013 et c'est un article écrit par Dia Ibrahima. Nous sommes mauritaniens, mais qui sommes-nous? D'où venons-nous? Où allons-nous? Combien sommes-nous? Quelle langue parlons-nous? Où s'arrêtent nos frontières? Des questions qui résument notre mal-être depuis plus de 50 ans. Aucun gouvernement civil ou militaire n'a jamais cherché réponse à ces questions, de peur sans doute de rompre un équilibre fragile ou de froisser une communauté. Les rares recensements de population ont tourné en eau de boudin, si bien que nous nous sommes endormis à 1 million d'âmes de 1960 à 1980, pour nous réveiller lors des politiques d'ajustement structurel qui durèrent des années 80 au début de ce siècle, avec 3 millions de poètes éprouvés et à demi affamés par les rigueurs du FMI et de la Banque mondiale. Un écolier qui parcourt aujourd'hui nos manuels scolaires en sortirait assoiffé. Dans le meilleur des cas, cet écolier saura que Sidi Ould Moulayzain a tué Kopolani et que la Mauritanie fut la dernière colonie à avoir été pacifiée en 1935. Dans le pire des cas, le même écolier sortirait de son manuel avec le sentiment qu'aucun ressortissant de notre sud n'a lutté contre la domination coloniale, d'où sans doute la prise de position de certains intellectuels qui assurent dans les chaînes étrangères que la présence noire en Mauritanie remonte seulement avec la colonisation. Comment un peuple qui ignore son histoire peut-il aller de l'avant? Si ces questions fondamentales sont occultées, d'autres décisives ne le sont pas moins. Quelle société voulons-nous? Celle d'un État-nation, synthèse d'une pluralité de cultures, mais ayant comme socle le désir de créer une histoire commune et de vivre ensemble. Un agrégat de communautés qui se côtoient mais ne se fréquentent pas, comme le décrit si bien l'émérite Alaïa Ramou Mamadou Sam Boliba dans l'interview qu'il nous a accordée dans l'un de nos précédents numéros et qui a suscité beaucoup de remous, à gauche comme à droite, dans les franges marginalistes de notre société. Hélas, nous n'avons pour le moment choisi ni un système ni un autre. L'on est en présence d'un schéma hybride avec une jeune nation qui se cherche parfois à coups de décrets, qui a peur d'un vrai débat et qui espère, contre l'expérience de notre vécu, que l'unicité de la religion suffit à régler tous nos problèmes. Aussi, dans la Mauritanie d'aujourd'hui, nous retrouvons un communautarisme exacerbé par l'école, la télévision, le sport, les douloureux événements du passé et de plus en plus un écart de revenus. Toute proportion gardée, la pauvreté est certes la denrée la plus partagée chez nous, assez nette entre nos différentes composantes. C'est sans doute ce dernier point, l'écart de revenus, qui constitue la conséquence sociale la plus évidente de la dérive dictatoriale et identitaire des 30 dernières années. Il nous faut aujourd'hui sortir de cet écart avant qu'il ne nous mène vers la constitution des cités communautaires avec des populations séparées par des barbelés et des groupes mafieux qui font la loi. À voir cette évolution, l'on en vient à regretter l'époque bénie des blocs manivelles, de l'internat et du lycée national où arabes et noirs fréquentaient les mêmes aires de jeu. La meilleure manière de rectifier le tir ne serait-il pas de pousser l'État à prendre au sérieux sa mission publique? École, santé, culture, disposition sociale envers les plus défavorisés, et de veiller à ce que tous les Mauritaniens soient égaux. Ils le sont de droit, mais hélas pas toujours de fait. À l'occasion de notre cinquantenaire, tout le mal qu'on souhaite aux Mauritaniens, à cet homme simple et cultivé, jaloux de sa liberté, avide de réussite, c'est de poursuivre sa marche vers l'avenir en se débarrassant enfin de cette bombe sociale explosive qu'il porte en bandoulière depuis le 28 novembre 1960. La communication, c'est pas évident, hein. On va entendre dans ce micro ouvert, ben voilà, rencontre avec Gallo Joe. Déjà, bon, retenir son nom, franchement, je suis pas fameuse là, hein. Ben voilà, on se découvre, on se rencontre, on parle. Je ne comprends pas toujours les mots. Et donc, j'avais envie de partager, de faire partager cette idée que quand tu débarques de ton pays, que tu arrives dans un autre, que tu parles pas la même langue, c'est difficile, quoi. Et chapeau à toutes ces personnes qui n'ont pas forcément le choix, hein, ils n'ont pas forcément choisi tout ça, parce qu'il y a des histoires qui se passent là-bas, dans leur pays, enfin voilà. De prendre en considération bah, ces personnes, quoi, d'être bienveillant avec ces personnes, que c'est pas facile. Déjà même entre deux personnes qui parlent la même langue, se comprendre, c'est pas toujours évident, quoi. Alors t'imagines, si en plus tu parles pas la même langue, si t'as pas la même culture, si... voilà, vous voyez le bazar, quoi. Donc ici, c'est simplement une pensée très claire, très nette, pour ces personnes qui débarquent, quoi. Allez, c'est parti. Rencontre ici à Jean Blou, en Belgique. Jadowe Kalajamanuji. Donc, ça veut dire Galajuji. C'est ça, c'est mon nom. Jadowe Kalajamanuji. Si je pars avec toutes les générations, tu vois, que ça soit que tu es sous ou fou ou tout, tu vois, on est là, tu vois, c'est le ghetto, c'est la jeunesse, donc voilà. Moi, quand même, je suis un artiste trop révolutionnaire, je suis dans mon monde, dans moi, et donc voilà, ce que je vous dis, c'est pas des blabla, c'est pas, tu vois, c'est des choses comme ça, tu vois. Ok, c'est le hip-hop. Bon, enchanté, hein, voilà, voilà. Ça tourne, c'est parti. Mais si tu nous... Dis-nous d'où tu viens, en fait, parce que j'ai appris que... Attends. Je viens de la Mauritanie, bon, voilà, Mauritanie, République islamique Mauritanie, comme ils disent, République islamique, donc voilà. Je suis un négro mauritanien de l'autre côté du fleuve. Là. De l'autre côté du fleuve. T'es ici, de l'autre côté, depuis 2 ans. Depuis 2 ans et demi que je suis là. Ça. Et explique-nous un peu comment ça se fait que tu es là. Comment ça fait que je suis là. Je suis là pour des causes bien définies. C'est le combat, donc voilà. C'est comme ça. Est-ce qu'on peut en parler un peu de ce combat Oui, c'est un combat comme ça qu'on mène depuis longtemps. Donc voilà. C'est le hip-hop, c'est le fighting, dénoncer le système pourri, dénoncer le système... Je ne sais pas comment expliquer ça, donc voilà, c'est comme ça. Explique-nous un peu le système pourri. C'est franchement, c'est l'anarchie totale, la dictature. Voilà, les chefs d'État sont là-bas en train de faire tout ce qu'ils veulent, et voilà. C'est comme ça, c'est pour ça qu'on dit que nous, on est des combattants, on est des soldats, et de l'autre côté, encore l'inverse. Il y a des soldats sans salaire qui sont là-bas, oui. Eux aussi, c'est des combattants, et voilà. Et c'est la connexion du ghetto. Le ghetto, c'est, tu vois, c'est l'obscurité, mais c'est quand tu rentres dans l'obscurité, tu vas voir la réalité. Ça va, c'est bon, tu reverses ça après, tu comprends. Bah, j'essaye de comprendre, je me mets petit à petit. Moi, Explique-nous, toi t'es né en Mauritanie, quoi, Gola. je suis pas là à me présenter. Tu es né où, tu es fait, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est mon naturel vibe. Hein? J'ai pas compris ce que t'as dit. T'as pas compris? J'ai pas compris la fin, là. Qu'est-ce que tu dis? Toi, tu t'en fous de te présenter, de savoir où t'es né Oui, parce que je suis de nulle part, je suis partout, tu vois. Je suis ici, je suis fait d'ici, je suis fait de l'autre côté, tout, tu vois. Donc, voilà. Bah alors, la conversation se stoppe, tu vois. Moi, Non, je pensais que tu pas allais raconter un peu. Donc, il y a des problèmes dans ton pays, quoi. C'est pour ça que. Qu'est-ce qui fait que tu es ici alors qu'ici, il pleut tout le temps, il fait froid? Enfin, je sais pas, tu vois, comment ça se fait que tu es là, quoi? Non, moi, en fait, tu vois, si je suis là, c'est, voilà, je viens faire mon combat, tu vois. Moi, par exemple, tous mes frères, mes frères mauritaniens, mes frères que même père, même mère, tu vois, tous, tu vois, il n'y a pas quelqu'un qui est ici en Europe, tu vois, tous, ils sont aux États-Unis d'Amérique, tu vois. Mon grand frère, là, tu vois, c'est un frère de sang, on vient du même sang, et je sais que eux aussi, ils savent, moi, j'étais tout le temps emporté dans le monde musical. Et ils me disent, ouais, toi, tu es fou, on considère des rappeurs comme des délinquants, vous êtes là, tu vois, vous faites non, non, non, non, parce que oui, on me dit, oui, c'est normal, des fois, tu vois. Oui, ça fait des mouvements, ça fait des. Tu vois, oui, ça c'est le vrai monde de notre monde musical, tu vois. Donc voilà, c'est pas que des codes où je parle. Ouais, des fois je parle pour ne rien dire, pour se faire foutre de gueule tout le monde. Je sais pas comment t'expliquer parce que voilà. Bon, voilà, c'est supprime ça, c'est pas encore bon. Non, mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut essayer de se concentrer parce que Non, oh, sinon on comprend rien. Donc, Goala, c'est juste comme je le dis? comme tu le dis, quoi. Ton prénom. Mon prénom, c'est Geladjo Tchoumera. Donc, voilà. Tu veux que je te montre ma carte d'identité ou tu veux pour savoir. Bon, et détends-toi, hein, détends-toi, ça. Non, franchement, tu vois, Moi, je m'en fous de ta carte Geladjo d'identité. et Car. Non, parce que vous, parce que Parce que moi, j'ai un là-bas, prénom, je m'appelle Graziella. mon pote Zacharia, mon guitariste qui joue la guitare pour moi. On comprend Là, rien. non, oui, tu ne comprends pas. Tu ne peux pas comprendre parce que j'essaie de communiquer certains messages, mais quand même, il y a certaines choses que je ne comprends pas, ou bien que ça sonne mal à l'oreille, ou tu vois ça autrement. Donc, tu peux le. Tu vois, tu sais bien, tu ne vas pas diffuser ce que je parle parce que des fois, tu vois, oui, des paroles à part, tu vois, oui, mais c'est quand même, des fois aussi, ma façon de parler aussi. Ça représente beaucoup pour moi, tu vois. Non, mais j'ai oublié de te dire que micro ouvert, tu vois, j'appuie sur play. Attends, écoute, j'appuie sur play, puis après, j'y touche pas. En gros, je vais pas m'amuser à faire du montage ou à prendre un petit bout. Normalement, c'est une rencontre, voilà, de 40 minutes avec toi. Moi, je pensais que tu avais des choses à revendiquer, à dire sur ton J'ai beaucoup pays, de choses à voilà. revendiquer. Pas seulement. Non. J'ai beaucoup de choses à revendiquer. Bah, essayons d'en parler calmement, qu'on se comprenne. Là, tout à l'heure, quand on s'est vu, t'as regardé le journal. Non, j'ai pas regardé. Je t'ai dit, tu vas tout de suite, oui. Franchement, je suis allé aujourd'hui au travail. Je suis rentré et la secrétaire m'a dit, hé, Gala, oui, on a vu, il y a ton journal là. Je lui ai dit, ah, mon journal là, oui. Après, je prends, je regarde, j'ai dit, ah, je me rappelle de cette femme qui m'interviewait, qui m'a pris en photo. Elle m'a dit juste, tu vois, Gala, non, non, non, pas Gala, même parce que je lui parlais, tu vois, je lui ai dit, oui, non, je m'appelle Gala Joe, non, non, non, tout. Donc voilà. De l'or, je suis venu, ma photo, je lui ai dit, comment ça s'est arrivé comme ça? Parce que moi, je ne m'attendais pas. Tu vois, à voir ça même publié dans la presse, ou tu vois, parce que juste tu m'as demandé mon nom, j'ai dit Galadjo. Hein? Galadjo, tu vois, donc voilà, c'est ça, c'est mon nom, c'est moi. C'est comme ça qu'on m'a appelé. Mon père, c'est comme ça qu'il m'a appelé. Ma maman, c'est comme ça quand ils ont écorché le mouton. C'est comme ça qu'on m'a appelé. Parce que moi, je suis musulman, musulman, alhamdoulilah. On est donc on a retrouvé une image de toi, une photo de toi dans un journal, alors C'est que tu n'avais mouton. pas. Ben voilà, c'est. Je m'attendais même pas à un journal, tu vois. Je m'attendais juste. Moi, je peux te voir, je te dis, oui, attends, je te prends en photo, je te prends en photo. Tu vois, c'est comme ça. Mais quand même, tu vois, mais c'est comme ça. Beaucoup de. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont pris mes photos, ça, je le sais. Parce que pas question que je suis. Oh, parce que je suis comme ça, je suis hood boy, je suis des. Ghetto, street, là où on nous appelle ghetto. Ghetto. Ici, il n'y a pas de ghetto par rapport à la ghetto, nous, qu'on vivait. Et pourtant, voilà, il y a des gens qui sont là-bas, qui sont bien, qui n'ont rien à foutre de l'Europe. Pour eux, l'Europe, c'est aller juste faire une course et revenir. Tu vois, mais ils ont des choses encore, des combats, des combattants. C'est des gens qui victimes de beaucoup de choses parce que leurs parents ont été torturés, tués, tu vois, fait n'importe quoi, tu vois, parce qu'à cause de. Oui, on dit arabisation. Oui, moi, je suis musulman, mais on peut pas me dire encore que voilà. On peut pas te dire quoi? Non, on peut pas me dire que oui, ma musique, tu vois, que j'ai fait, tu es dans le monde musical, musique c'est haram ou quoi, tu vois. Non, musique c'est une source de communication, c'est une façon, tu vois, de s'exprimer, tu vois, le chant et tout, même, c'est vrai, c'est dans l'islam, ils disent, tu vois, ils disent que oui, c'est haram, mais quand même, si tu as une mission noble, une mission qui parle, qui est libre de parler, libre de s'exprimer comme il veut, tu vois, et tout. Donc voilà, c'est comme ça. Moi, je ne veux pas élever ton. Je suis du genre, tu vois, des fois, tu vois, c'est moïlolo, comme les Sénégalais de dire, moïlolo, ça veut dire que c'est comme ça, tu vois, c'est comme ça. Tu comprends ce que je veux dire? Donc Bah, voilà. j'essaie, parce que tu parles en même temps vite, et en même temps tu parles, tu vois, des fois t'as tes C'est mots. ça, je veux tu vois, te communiquer, tu vois, parce que mes paroles sont un peu, tu vois, je parle, nanana, oui, je parle, c'est comme ça, il faut parler, parce que si tu t'es autour du thé, si tu ne connais pas, tu te tais, tu fais face aux faits, me voilà évadé, c'est parce que j'aime la paix, et si ta vie est en danger, par le temps, faut bouger, même s'il faut laisser la famille, les amis, on n'est pas venu ici pour qu'on nous sous-estime ou qu'on nous maltraite, dans tout ça, on reste nous-mêmes, on assume nos blêmes. Pas le temps pour les gueulards. On veut réussir, construire, avancer, se nourrir de nos propres chairs, faire plaire, père, mère, frère et sœur, comme ça on est fiers. Fini me représente, fanan blama, mihala, gungundam bana, bana, mianmia de panam, connaissage, mbo de pana, amihaba, somihali, njimiko pama. Yeah. Non, je m'exprime, mais pas de problème, tu ne mets pas ça, hein. Ça va. Ah, si, si, mais si Non, j'enregistre. Attends, bah alors j'arrête tout alors. pourquoi? Bah, alors laisse tourner, je vais mettre. Oui, mais écoute, c'est ça, le silence. C'est pas un grand poème qui dit, c'est pas un oubli. Je ne sais même pas qui l'a dit, tu vois, dans ce monde, tu vois. Mais des fois encore, tu as besoin de te ressourcer, tu vois. De faire ouais, des choses, tu vois, tu es là, tu te consacres à quelque chose que voilà, toi, tu sais que tu es ça, de l'original, tu vois, c'est ton étiquette, c'est toi, quoi, en personnel, tu vois, hein, ouais, déjà, ils n'osent même pas, tu vas parler parce que tu vois, il y a des gens aussi, tu vois, qui sont même pas acceptés par cette société, tu vois, que ça soit ici, que ça soit partout, tu vois. On a vu la discrimination, on a vu le racisme, on a vu de beaucoup de choses. Donc voilà, c'est bon d'être humain parce que dans la vie, tu vois, c'est comme ça, tu vois, qu'il faut dormir, tu dors tranquille. Tu vois, si tu fais des choses bien, des choses dignes, des choses, tu vois, l'homme n'est pas parfait. Ouais. Ah bah voilà, j'ai déjà oublié. Parce que je comprenais pas un mot Non, on quand répète tu encore, on parlais. oublie. Attends, attends, parce que quand je parle, toi tu te Attends, tais. je vais Tais-toi. autour du tiers, je dis si tu connais pas. Quand je frappe. D'accord, je fais. Mais toi, quand même, tu vas. Ce n'est pas autour du tiers, tu es autour du bras, autour du frigo vide, bouteille d'eau. Tu vas. Et voilà, tu vas. Freestyle, donc voilà, c'est freestyle, tu vois. Ok, mais des fois quand tu causes, ce qui serait bien, c'est que quand on se regarde, tu vois, je te fais comme ça avec mon doigt pour dire, tiens, il y a juste le mot là, moi, que j'ai pas compris. Alors hop, on le traduit et puis tu continues ta pensée. Ouais, ça arrive, tu vois. Des fois, tu vois. Tu parles quelque chose que tu ne que tu reparles encore une autre truc. Tu vois, ça veut dire que c'est comme si je suis. Tu vois, je te parle ça, après je parle. Tu vois, je te laisse ça parce qu'il y a beaucoup d'autres choses à parler, tu vois. Oui, mais moi, il n'y a pas de problème de parler. Simplement, des fois, je ne comprends pas. Est-ce que tu... Je ne Ouais, mais comprends après, pas le voilà. mot. Alors, je perds l'idée, quoi. Je Tu ne comprends peux pas plus. me dire que tu as un souci de communication avec moi. Là, je te parle, tu vois. Français, bien vrai, même si des fois, tu vois, mon français là, tu essaies de le comprendre, tu Bah vois. oui. Parce que, Mais tu tu parles vois. super bien français, il n'y a pas de Non, problème. non, pas que. Bien, mais des fois, tu vois, je parle comme encore je veux, tu vois. Je m'exprime avec un langage blédard, un langage, tu vois. Voilà. Je te parle comme ça. C'est comme ça, parce que, voilà, yes, I, ou yes, I, ou quoi, tu vois. Ok, Là, Gala, le go, test. Gala, Gala. Tu parles pour ne rien dire, tu parles pour Non, je simplement parle parler ou pour. bien tu parles pour être Pour. entendu? Des fois, je parle, tu vois, pour être entendu. Tu comprends? Des Ça, fois? c'est. Oui, des fois, je parle pour être entendu. Pas tout le temps. Des fois, même si je te parle, même si tu fais semblant que tu n'entends rien, je te dis, je m'en fous. Tu vois? Mais quand même, j'ai parlé. Donc t'as pas, C'est t'as, ça. t'as, attends, attends, attends, attends, donc tu t'en fous en fait, toi tu parles, blablabli, blablabla, tu t'en fous que les gens t'écoutent ou t'écoutent pas, c'est ça que tu dis? Non, j'aime bien être entendu. J'aime bien être entendu, ça c'est sûr. Mais des fois encore, même si tu n'entends pas, fais semblant de ne pas entendre, mais parce que tu vas entendre. C'est vrai, tu as entendu? J'ai pas tout Qu'est-ce que tu compris. n'as pas entendu? J'ai pas tout compris surtout. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu n'as pas compris? La pensée, redis ce Ma que tu pensée, dis. ma pensée, elle est ma pensée. Ma pensée, c'est moi. Non, à mon avis, tu ne dois pas tout comprendre, toi non plus, mais c'est une histoire de fou, Non, hein. non. Quand tu parles, moi j'écoute, mais je ne comprends pas ce que tu veux dire. Tu ne comprends pas ce. Non, ça veut dire que tu te C'est fous de pas que ma je suis gueule. d'accord ou que je ne suis pas Non, non, d'accord, non, c'est que je non. ne Ça, pour comprends pas. moi, tu vois. Je dis non, lui il est en train de, tu vois, de dire attends, je vais emmerder ce marionnette qui est là, tu vois, qui voilà. Mais c'est pas ça encore, tu vois. Des fois, tu vois, tu parles, tu vois, tu parles avec les gens, tu parles, même. C'est comme ça, tu vois. Moi, je ne sais même pas quoi. Bon, Mais allez, bon, c'est. on reprend le fil de la pensée. Donc, toi, putain, j'ai un souci avec ton prénom, hein. Goala, c'est parce que je l'ai écrit? Gala. Mais il y a bon, Gala Joe. Gala Joe, il faut rajouter Joe. Gala Joe, ok. Gala Joe, tu fais de la musique. Et tu as dérangé en Mauritanie. Parce que tu faisais de la musique avec des propos, justement, une manière de dire qui dérangeait. Ok? Tu as un collègue, un copain, un ami, un frère qui fait de la musique avec toi. Tu m'as expliqué qu'il était en prison, encore aujourd'hui, en Mauritanie, parce que vos propos, votre musique hip-hop était dérangeante. Alors, qu'est-ce qui était dérangeant? Qu'est-ce qui était dérangeant? Parce que il y avait des mots, des fois, trop vexants, quoi, trop directs, quoi. Tu vois, Comme quoi? ça. Non, comme par exemple, dire la vérité devant leur gueule, et voilà, après tous ces magouilles, tous ces trucs, et toi, tu es là, ils sont là devant toi, ça veut dire que moi, je vendais même ma peau, tu vois, parce que je suis là, je suis fier de moi, et voilà. Il y avait des gens qui ont besoin d'entendre ça, c'est tout. Donc voilà quoi, chacun a sa façon de penser, de voir. Moi, je ne n'avais pas peur pour que, voilà, m'emmène partout, tu vas en prison, tout. Moi, je m'en fous, tu vois, parce que c'est que je suis vraiment fier de moi, parce que, voilà, j'ai un combat. Donc ça, c'est un combat de ce fait. Être là pour critiquer, tu vois, critiquer le système de merde, que tous les gens ferment leur gueule, personne ne parle de ça. Hein? Peuple ignoré entre négros, sahariens, mauritaniens, nous les négros mauritaniens surtout. Un événement 89, qu'est-ce qu'il n'y a pas eu? Des militaires qu'ils ont enterrés vivants comme ça, hein? Devant la gueule des gens. Et voilà. Enterré vivant, C'est ça qu'ils pourquoi? devraient parler normalement, c'est ça. C'est ce genre de débat là qui devrait éclaircir surtout, tu vois. Ça, surtout, c'est pour la presse aussi, parce que voilà, c'est comme ça. Il y a des magouilles, il y a tout, tu vois. Qu'est-ce que tu as vu, toi, par exemple? Moi, qu'est-ce que j'ai vu? Moi, déjà, je te dis déjà, je vis de jour au jour. Parce que j'aime non seulement mon combat, déjà, c'est d'arriver à vivre, hein, à survivre, tu vois, à se débrouiller, à se démerder, à ça. Il y a que, Ici ou hein, là-bas? partout, ici et là-bas. Là-bas, j'étais bien. En Mauritanie, moi, j'étais bien. En tout cas, tu vois, je te parle des choses que voilà, que moi j'ai vécu. J'ai pas besoin de l'argent. J'ai pas besoin de trucs. J'ai toujours eu encore de l'argent. Et puis, j'ai toujours été bien en Mauritanie. Bien, mes maisons, voitures, tout, tranquille. Je suis bien, tu vois. Voilà, c'est comme ça. C'est ce que je vis et ce que moi je ne vis pas, je ne dépends pas. Dire que oui, non, non, non, non, oui. Même s'il y a rien, on va arriver à vivre, on va essayer, tu vois, de vivre tous les jours, demeurer, de faire des choses bien, c'est tout, tu vois. Même si comme ça, quand tu dors, si tu te couches, tu dors. Je sais pas comment s'exprimer ça ou quoi, tu vois. Mais quand même, c'est comme ça. Ouais. Et Goladjo, pourquoi t'es là pourquoi alors? pas ça? Pourquoi t'es en Belgique? Ouais, Oui, parce que tu dis que t'étais bien là-bas voilà. dans ton pays. Attends, j'ai pas fini. Ça, c'est une chose. Pourquoi t'es ici alors? Pourquoi je suis ici? Ah, je suis ici pour continuer le combat. Mais lequel? Lequel? Quel? Mon monde musical, tu vois, dans le domaine artistique, tu vois, vivre. Mon rêve, tu vois, faire ma musique tranquillité, tu vois. Oui, et voilà, c'est comme ça, c'est ça qui est dans mon sang, oui. C'est ça qui coule dans mes veines, parce que je respire, chaque jour, je m'inspire pour. Même s'il y a un outil de communication, on est là, on communique avec les gens pour les faire comprendre, pour les faire. Savoir tout ça, donc voilà quoi. Waouh, Parce c'est que ça. par exemple, tu m'as montré des images de toi avec ton groupe, ben on sent que tu es sur le terrain, quoi, tu es dans la rue, tu chantes en avant, tu y vas, quoi. Est-ce que tu n'aurais pas toi aussi l'espèce de rêve de l'Europe en t'imaginant que tu arrives ici et que tu vas devenir une star? Regarde, moi. Je ne te parle pas d'autres choses, tu vois. Tu me parles de ton rêve. Moi, mon rêve, c'est quoi? C'est de délivrer les gens qui sont même déférés sans rien savoir ce qu'ils ont fait, tu vois. Sans rien savoir ce qu'ils ont fait. On t'amène en prison sans passer par le juge. Où tu as vu ça dans le monde? Et déjà, ils nous parlent d'ici ou là-bas. D'ici ou là-bas, t'inquiète pas. Dans nos camps, il y a nos plans. On a nos propres plans parce que c'est comme toi, tu es là, ici, assis chez moi, on est là. en cause, tu vois, je te parle dans le mode, tu vois, désordrement pour toi, c'est peut-être, parce que tu vas parler avec n'importe qui, tu vois, sans, tu vas, vraiment, tu te parles comme ça, tu te parles, voilà, tu es là en train de parler pendant des heures et des heures, s'il veut, c'est comme ça, tu vois, c'est. Ah oui, mais voilà. Mais quoi, c'est en C'est malhonnête parlant? ou quoi, je ne sais pas, peut-être. Bon, il y a des gaolos, il y a des gaolos. Tu connais ce que ça veut dire, gaolo, ça veut dire griot, un peu. Donc, gaolo, ça veut dire que voilà. Il est là, il parle. Tchouballo, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est là, il est d'une famille qui. Tout le monde. Et voilà, ils ont leur culture, ça veut dire qu'ils ont leur. Tout, mais quand même, il y a encore des gens qui te parlent ici, qui parlent désordrement, tu vois. Tu parles de quoi? Qui parle désordrement, je dis. Désordrement. Qui parle désordrement. Oui, désordrement. Ah bah tu vois, mais c'est joli. Qui parle désordrement, parce que. Non, mais entends, parce que. Entends ce que je dis. Mais Quand tu dis désordrement, tu vois, en français, ici, désordrement, ça n'existe pas, quoi. Du coup, mais on comprend. Tu vois, c'est pour ça que je demande à certains moments de clarifier. Écoute, écoute, écoute. Après, je t'écoute. Écoute. Parler Écoute, n'importe après, comment, je je te peux parler, parle. tu vois, Donc, tu dis une mode phrase, normalement, après, attends. merci, tu vois, si, tu vois, C'est très bien, tu parles super bien moi je parle pas français, français, moi je mais connais rien en comprends français, que tu dans ta vois, je langue, suis, tu à certains moments vois, donnés, je dois comprendre le mot parce qu'il n'existe pas. Mais c'est chouette, on comprend ce que tu dis. Quoi? Non, non, non, non, non. il n'existe pas. Non, ça n'existe pas. Donc, Ça, je je, dois comprendre. attends, tu sais où le faux, où le farok, farok, tchalam, tchot, tchalam, nyangal. Hein? Yeah. Où le faux, où le farok, farok. C'est parce que j'avais l'habit de mon oncle qui était au bled, tu vois. Encore, tu vois. C'est l'ami, c'est son oncle, tu vois. Il grand, tout. Mais il dit, grave, vous. Attends. Vous, je te dis, vous êtes tellement têtu, vous êtes tellement têtu, parce que vous êtes dans votre monde à vous, tu vois. Ton grand-père qui dit C'est ça. pas mon grand-père, c'est un ami que j'ai, son oncle, tu vois. Mon ami s'appelle Abda, tu vois, et son oncle, tu vois. Donc lui. Il nous dit que nous, tu vois, on est dans notre monde, on est têtu. Tu Dis-tu? vois, on est têtu parce que on est là, on croit que nous, on est la bouche du peuple. Tu vois, hein, on se moque, même vos pères, si le gouvernement vient vous descendre sur vous, même vos, tu vois, pères vont être victimes de tout Mais ça et vos vous, pères vous vont êtes être là. victimes. Ouais. Et vous êtes là, vous en foutez, vous dites non, c'est hip-hop, c'est blablabla. Oui, il y a du hip-hop, beaucoup de façons de hip-hop, il y a beaucoup de façons de reggae, il y a beaucoup de façons de musique, même dans le monde, je te dis. Mais chacun, on le reconnaît que par sa signature. Tu Chacun vois, reconnaît par sa voilà, par sa signature. Ah, signature. ok. Donc, voilà, c'est comme ça. Peut-être il y a des gens, tu vois. Oui, qui font, oui, blabla, shit, ma bite, ma shit, ma pute. Non, c'est pas dans ce monde. Peut-être, oui, tout le temps dans le monde musical, les gens, des musiciens, des artistes qui composent, auteurs, compositeurs, qui écrivent sa chanson, qui composent sa note et qui est là, qui sait que lui, il est dans ce monde. Donc, voilà, c'est ça qui le fait même survivre, pas rien, c'est ça qui le fait survivre, parce que chaque jour il est fier de lui. Il dit, oui, c'est moi, c'est comme ça. C'est ça. Dis-moi, Galojo, Oui, je dis quoi encore? Je comment t'as découvert le dis hip-hop quoi? en Mauritanie? Comment j'ai découvert hip-hop en Mauritanie? En Mauritanie, j'ai vu que voilà que même mes frères, tu vois, ils étaient un peu, tu vois, dans Dunia Black B, tu vois, Dunia Black B. Je vois des gens qui sont plus âgés que moi, mais qui sont là, qui font la musique et tout, tu vois. Il y a beaucoup de groupes mauritaniens qui sont en Mauritanie. qui sont, ils sont même pas, mais il y a encore beaucoup de groupes mauritaniens qui sont sortis ici, mais ils ne sont pas entendus, être entendus par la presse, tu vois. Pas question par la presse. Ils ont 3 albums même. Même il y a des artistes mauritaniens qui sont là, ici. Et partout, tu vas à Anvers, tu vas, que moi je connais, que je sais qu'ils sont tout le temps été artistes, tu vois. Et voilà, c'est comme ça, ils font leur musique, et voilà, ils sont partout, tu vois. C'est comme ça, partout. Ok. Que rajouter d'autre sur tout ça? Qu'en ajouter d'autres? Je veux dire seulement que le combat, ce n'est pas encore fini. Tu vois, ce n'est pas encore fini. Non, ouais, peut-être des fois, on parle, même si on n'a pas des idées ou des trucs, tu vois. On parle pour que ça évolue, pour que ça change, qu'on en tire des leçons, pour que quoi, pour que... Il y a beaucoup de choses qu'a dit encore. La famille. La famille. La famille, ça veut dire tu as compris. Ah, Ça, ok. c'est un dialecte que j'ai dit. La famille. Ça veut dire... J'ai compris. Ouais, donc voilà, c'est clair, c'est écrit noir sur blanc, c'est comme tu l'entends avec ça. Mais encore, tu vas supprimer ça. Non, je vais pas supprimer ça. Pourquoi je ne veux pas supprimer ça? C'est que ça fait partie du truc. Ça ne veut pas partir du truc. Il y a des trucs qui ne sont pas trucs. Il y a des trucs, c'est l'ami de Patrick. La nuit de Patrick. Ouais. Non, je sais pas. Voilà. C'est comme ça, quoi. Tu vois, donc voilà. Moi, quand même, je sais que voilà. On va continuer la musique. Et voilà le groupe que j'ai ici, tu vois. On a beaucoup encore d'idées. Chacun a ses idées. Chacun a son domaine. Tu vois, chacun a sa profession dans ça, tu vois, parce que voilà quoi, c'est comme ça. Et franchement, tu m'as interviewé tout seul et tout, tu vois, mais encore, je sais que c'est moi, c'est toujours moi encore qui parle. Ouais, même soi, même si tu me dis oui, non, non, non, c'est vrai, moi, franchement, je te dis, il y a de ces trucs, ça ne vaut pas la peine. Ne prenez pas tous des artistes comme des marionnettes, comme des... Ouais. Il y a des comédiens. Ouais, il y a des Mbalakman. Il y a des Boujouman. Il y a des Gayman. Il y a des Angel Vibes, tu vois. Donc, c'est comme ça. Donc, voilà. Parle encore, parle, parle, parle. Yetimi, hein? Donc voilà, c'est des dédicaces, tu vois. Là, j'étais en train de freestyler, tu vois. Parce que tu m'as interviewé, tu vois. Tu m'as parlé, tu vois. Tu me dis, ouais, t'as un beau bled, non, non, non, non, non, non, non. Moi, je suis déjà, tu vois. Je viens, j'arrache le micro, tu vois. Je suis là, bla, bla, bla, bla, bla. C'est comme ça, c'est pour que ça change. Aïcha de Génération Espoir. Martine, du collectif des femmes et du collectif des jeunes. Non, mais là, les collectifs des femmes. Marie-Paul, de la Maison du Développement Durable. Bernadette Paternostre, de l'ONU, je travaille ici. Daniel, Maison du Développement Durable. Aline, Maison du Développement Durable. Gauthier, de La Chaloupe. Jonathan, de La Chaloupe, j'y cours. Stéphane, du CNCD. Isabelle Alvarez, du Centre Placette. Sarah, valoriste en ressourcerie. Nadine Posa du Centre Placette. Valérie de La Chaloupe. Et donc, peut-être pour introduire Stéphane, Donc Stéphane Desguin qui travaille au CNCD pour la plateforme Souveraineté Alimentaire, qui on a fait appel pour le thème d'aujourd'hui, pour donner un petit peu des pistes, des outils, peut-être cadrer aussi un petit peu le sujet. On avait envie de commencer normalement ce matin par un témoignage plus local, donc Rachida et Madi avaient dit qu'ils donneraient peut-être un témoignage de ce que représente ce thème dans leur propre pays, mais ni l'un ni l'autre ne sont là, mais comme il y en a plein d'autres qui sont là, on peut peut-être avoir votre témoignage à vous. De l'impact de la manière dont on s'alimente aujourd'hui, qui a un impact sur les pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine. Est-ce qu'il y a un d'entre vous qui a envie de prendre la parole là-dessus, sur comment vous avez vu les habitudes alimentaires changer, les prix se transformer Naïma ? Chez nous, ce qu'on peut ressentir, c'est surtout les prix qui grimpent au niveau des produits de base. Dans la communauté marocaine ici, quoi, parce que c'est vrai que parler du Maroc, non. Enfin, sauf que, puisque mes parents se préparent pour partir à la fin de cette semaine-ci, et je sais qu'ils parlaient un peu que là-bas, les produits, quand même, ont augmenté, comme ici, quoi. Mais vraiment, les produits de base. Donc, j'essaye d'imaginer, enfin, ce qui se passe là-bas, c'est que les gens, au niveau des salaires, ça n'augmente pas. Enfin, surtout les gens qui n'ont pas réellement un salaire, quoi, qui vivent avec, ils se débrouillent le jour le jour. Je me dis, mais les pommes de terre, les oignons, parce qu'ils parlaient surtout des produits, de base qui sont nécessaires pour la préparation des repas, puisque là-bas, les repas, il y a minimum 2 repas par jour, quoi. Je veux dire, on soupe pas avec des tartines et du fromage. Je veux dire, c'est vraiment des repas chauds. Donc voilà, quoi. Je me dis, c'est après les vacances qu'on aura, je pense, un retour par rapport à ce qui se passe là-bas. Mais c'est vrai qu'ici, ce qu'on ressent, c'est aussi l'augmentation des prix au niveau des produits de base, parce que peut-être pas nous, enfin je veux dire qu'ils sont actifs au niveau de la société, mais moi je remarque que au niveau de mes grandes sœurs, mes parents, ils continuent encore à cuisiner, mais vraiment comme dans le temps, enfin, comme il y a quelques années, ils n'ont pas changé leur manière de cuisiner, quoi. Ils accordent énormément d'importance au repas. Certains sont complètement déconnectés par rapport à ce qui se passe actuellement au niveau des dangers par rapport à l'alimentation, que ce soit tous les produits, enfin, tout ce qu'on rajoute dans les produits, je veux dire, les boîtes de conserve, les surjeux, ils se rendent pas compte de la chance qu'ils ont encore à continuer à préparer ces repas. Ils pensent que ça, c'est quelque chose de normal, quoi, de donner autant de temps pour préparer leur repas, quoi. Ce qu'on leur envie, en tout cas, moi personnellement, quoi, parce que je me dis, je n'accorde plus assez de temps comme je l'ai appris chez moi, quoi. Parce que je suis dans le système un peu... Au Maroc, par exemple, on consomme moins de produits locaux. Il y a beaucoup de produits qui sont importés. On fait beaucoup sous serre. Je crois que vous le savez, les fraises et tout le reste, on les fait sous serre. Les tomates, ça commence à se faire sous serre aussi. Il y a beaucoup de produits qui sont donc exportés. Donc je pense que pour l'écologie, c'est pas l'idéal. Donc beaucoup de produits que les gens ne connaissaient pas, qu'ils ne consommaient pas. Donc au détriment du produit local, on va... parce que ça fait bien, quoi. Ça fait... De consommer ce qui vient de l'extérieur, donc ce qui fait que bon, ça pour tout ce qui est transport et tout le reste, c'est pas l'idéal. Et on utilise aussi beaucoup d'engrais, beaucoup de produits chimiques pour l'agriculture. Ça devient de grosses agricultures, de grands agriculteurs au détriment des petits qui font ça de manière beaucoup plus naturelle et biologique. Alors, et là, il y a un grave souci, même au niveau de la santé. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup plus de cancers, beaucoup plus de maladies qui font qu'on se rend compte que c'est l'alimentation qui ne convient plus. Mais bon, je ne saurais pas dire plus que ça. Je sais qu'il y a toute une réflexion autour de ça, autour de l'alimentation au Maroc même. Beaucoup de médecins, de diététiciens se disent, bon, il y a quelque chose qui ne va pas, on mange mal, on veut retourner la terre et cultiver la terre comme on le fait en Europe ou je ne sais pas où, mais c'est pas la même terre, c'est pas le même climat, c'est pas le même endroit. Et pourquoi ne pas retourner à ce que les autres faisaient, mais alors étudier ça de manière qui corresponde à la localité et à la température là-bas, aux terres, comme elles se font. On sait très bien que le tournesol, par exemple, on veut l'exploiter là-bas, mais on sait très bien qu'après que la terre après n'est plus réutilisable. Enfin, il y a beaucoup de choses beaucoup d'agriculteurs se plaignent comme ça. Mais bon, j'entends ça sans, je ne serais pas plus structurer ça, ni en parler de manière plus, mais il y a un réel souci, oui, au niveau de l'alimentation, qui coûte de plus en plus cher et qui est moins bonne. Si ce n'est dans les petits villages, où là, vous mangez quelque chose d'assez bon encore et de plus, mais ça se dégrade, et ça se dégrade beaucoup plus vite qu'ici. Parce que je crois qu'ici, il y a quand même une prise de conscience. Enfin, là, on en parle à la télé, mais là, beaucoup moins. Les gens ne se rendent pas compte. Donc, ils sont contents de trouver dans leur marché de nouveaux produits, mais ce n'est pas l'idéal toujours. C'est pas... Enfin, voilà. Et je pense qu'il y a moins de... Enfin, là-bas, il y a moins de contrôle qu'ici, quoi. Je veux dire, ici, il y a régulièrement, je veux dire, des contrôles. Donc, les gens ne peuvent pas se permettre d'aller au-delà de ce qui est... Enfin, des limites. Alors qu'au Maroc, parfois, on met des produits entre les mains des gens qui sont... illettrés, quoi. Donc, des paysans à qui on donne ces produits, eux, ils veulent juste que, pour pouvoir vivre, c'est de vendre leur, pouvoir vendre leurs produits. Pour pouvoir vendre ces produits, ils pensent qu'avec tout ce qu'on leur amène de l'Europe, entre parenthèses, c'est bon, quoi. Donc, ça va faire, ça va protéger. Devrait en principe mettre un petit bouchon comme ça pour avoir plus, mais si on en a plus, si j'en mettais le double ou le triple. Donc c'est pas très bon pour la santé. C'est pas contrôlé. Je veux dire, il y a personne qui va passer pour voir que ce que j'ai entendu dernièrement. Enfin moi je ne sais pas si c'est vraiment de plus en plus. C'est par rapport à la menthe, parce que chez nous on consomme beaucoup de thé à la menthe et j'entends de plus en plus de personnes qui disent ah mais on n'utilise pas beaucoup la menthe parce qu'il paraît qu'on met plein de produits. Donc ça vient du Maroc quoi. Donc on met beaucoup de produits chimiques dans et je me dis, je sais pas, moi j'ai pas vérifié, quoi, mais on commence quand même à nous faire peur avec des produits qu'on utilise au quotidien, quoi. Donc ce qui est la menthe, je me dis, il n'y a pas de fumée sans feu, mais je pense que les gens s'interrogent, mais voilà, c'est pas des grands débats, quoi. Donc voilà. Moi c'est plus facile effectivement de partir de ce que vous me dites, de ce que vous savez, de vos expériences, plutôt que d'arriver plic-ploc et peut-être soit pas répondre à vos attentes. Mais effectivement, il y a deux choses déjà super intéressantes et c'est des choses assez différentes. Il y a la question du prix. Vous dites, dans nos pays, on nous parle, on nous dit de la difficulté des prix parce que les produits de base ont augmenté. Et c'est vrai que chez nous, ça n'a pas eu le même impact. C'est-à-dire que, tout simplement, la façon dont on mange en Europe, la place des produits de base, elle a fortement diminué. Et même si on a levé les bras au ciel en disant le prix du blé a augmenté avec un salaire en Belgique, c'est pas l'augmentation du prix du blé qui met les gens en difficulté, c'est beaucoup plus l'augmentation des loyers qui mangent pratiquement bien souvent la moitié des salaires dans plein de revenus. Le prix du blé, c'est que dalle. Et c'est ça qui est difficile, c'est qu'en fait, sur la question du prix, ça dépend ce que vont vous dire certaines personnes. Ceux qui vont vous parler, est-ce qu'ils viennent des villes ou est-ce qu'ils viennent des campagnes? Alors, ceux qui viennent des villes, ils ont toujours, puisqu'ils ne sont plus agriculteurs, eux, ils ont l'espérance que les prix alimentaires vont rester très bas. Sauf pour ceux qui sont en ville et qui savent très bien que toute la famille vit de l'agriculture encore au village ou ailleurs. Et eux savent très bien que s'ils ont dû quitter probablement le village ou l'activité, la région rurale, c'est parce qu'on vivait plus de l'agriculture, avait plus aucun espoir. Donc il y a cette difficulté d'être à un moment ou à un autre un ancien paysan, d'être en ville. Et parce que on est devenu en ville, on souhaite que les prix du maïs, du blé, du manioc, enfin tous les produits de base, l'oignon, la patate, enfin en fonction du continent, en se disant, il vaut mieux que ce prix soit plutôt le plus bas possible pour moi, parce que je galère. En gros, ceux qui quittent les régions rurales, ils terminent dans des bidonvilles, enfin, ils sont dans la merde en général. Donc, eux, la difficulté, le prix des produits de base, elle est énorme. Tandis qu'en Belgique, pour ce que nous, on connaît, on a vu que les prix des produits de base, ils ont augmenté, mais c'est pas ça qui coûte très cher. Par contre, c'est la façon dont ça avait été cumulé. Donc, on a eu une augmentation du prix du blé qui a été multipliée par 2, mais en gros, ça fait 10 centimes sur le prix d'un pain. Et par contre, le prix du pain, il y a une augmentée de 70 centimes. Donc là, on se dit, c'est pas l'augmentation des produits de base qui pose problème. C'est tous les intermédiaires qu'il y a. Or, comme on mange une alimentation qui est passée entre les mains de plein de gens, des transformateurs qui vont transformer le blé en pain, et puis après tous les autres, c'est-à-dire la chaîne commerciale, la grande distribution, d'autres intermédiaires, eux se sont sucrés à chaque fois au passage, et qui ont bien souvent profité de l'augmentation du prix pour augmenter leur prix. Là où ça se passe pas de manière juste, c'est que quand on consomme des produits de base, éventuellement, quand le prix rechute, il va resuivre. Vous pourrez peut-être éventuellement, c'est pas toujours le cas, mais enfin éventuellement, si le prix du riz rediminue, vous allez pouvoir peut-être l'acheter un peu moins cher. En général, il redescend jamais vraiment de ce qu'il a vraiment descendu. Mais ici, si vous regardez le prix du blé, de tous les produits transformés, il ne redescend plus. Donc en général, ça monte, l'escalier va dans un sens, quoi. Ça monte. Mais quand l'industriel a réussi à vous faire accepter le plat de pâtes ou les pâtes à un prix, même si le prix du blé rediminue, il ne va pas diminuer le prix des pâtes. Donc du coup, il y a des organisations de consommateurs et d'autres qui disent, bah, écoutez, là-dedans, c'est très bien de nous dire le marché, c'est super, l'offre et la demande, les prix fluctuent. Ouais. Nous, on ne les voit pas fluctuer, on les voit fluctuer que dans un seul sens. Alors par contre, sur la question de le lien entre le nord et le sud sur les prix, là ça devient plus compliqué, parce que alors on se dit oui, il y a un problème sur les prix qui augmentent, mais ce que je viens d'expliquer il y a deux minutes, c'est qu'on est déjà ennuyé, parce que en fonction de l'endroit où on se met, quand on est en ville, l'augmentation des prix de produits de base, c'est une vraie merde. On pourrait se dire à la campagne, c'est chouette, parce que ça fait 30 ans qu'on vit pas de l'agriculture. Ça fait 30 ans que les gens qui sont là, qui vivent, qui font du blé, du manioc, n'importe quoi, ils sont dans la merde. C'est pour ça que les gens quittent autant. Il y a 50 millions de paysans qui, chaque année, au niveau mondial, hein, ils quittent, ils partent. Ils vont remplir les bidonvilles pour la grande majorité d'entre eux. Donc si on se dit, chouette, enfin, le prix des matières premières, elle va augmenter, c'est-à-dire qu'eux vont avoir un avenir. Ils vont pas devoir quitter, ils vont pouvoir vivre de leur travail. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Eh bien, on sait que toutes les organisations, les paysans, les organisations de paysans, on les appelle comme ça, les organisations de paysans ou paysannes dans les pays du Sud, ils revendiquent que le prix, il corresponde au coût de production, qu'ils puissent vivre de leur travail. Le problème, c'est que depuis 20 ans, le prix a diminué. Et aujourd'hui, il réaugmente et on se dit, chouette, eux vont pouvoir vivre. Et en fait, ils n'arrivent pas à en profiter. Alors pourquoi ils n'arrivent pas à profiter de l'augmentation du prix qui s'est passée en 2007, 2008 Eh bien, c'est parce qu'en fait, il augmente, mais en fait, il augmente et il diminue, il fluctue. Et ça, c'est impossible pour un agriculteur ou pour un paysan de vivre quand le prix, il monte et il descend. Tu te dis, ok, le prix du blé ou le prix du riz a augmenté. Bon, bah, je vais faire un peu plus de riz, ça vaut la peine. Maintenant, ça vaut la peine que je fasse, je sais pas moi, un hectare de plus de riz. Bon, il y a beaucoup de paysans qui n'ont même pas un hectare. Enfin bon, par contre, le principe qu'ils en aient trois, ils se disent, bah, je vais faire un hectare de plus de riz. Mais s'il plante, il se dit, aujourd'hui, le prix, il est bon. Et puis au moment de la récolte, mais il a rechuté. Enfin, c'est impossible de vivre comme ça. C'est impossible de faire du lait aussi. Si tu dis le prix du lait, il est en train d'augmenter, et puis 6 mois plus tard, il est... Tu peux pas acheter le temps qu'une vache commence à produire, l'investissement, c'est impossible. Donc en fait, ce qui tue l'agriculture, on leur dit... On pourrait se dire, chouette, on tape des mains. Bon, c'est vrai que les gens en ville souffrent d'augmentation des prix, mais au moins, ça sera tout ça de pauvres en moins dans les campagnes. Eh bien, ils n'en profitent même pas. Parce que dans le système actuel, qu'on appelle libéralisé, donc lequel ils n'ont même plus de règles, plutôt que d'avoir de se dire, tiens, il faudrait que le prix augmente, mais qu'il reste stable, en fait, il réaugmente, puis il redescend, il remonte. Enfin, c'est un truc, c'est montagne russe constamment. Et ça, c'est pas possible de vivre de cette activité-là. Donc là, on a des gens qui sont perdants des deux côtés. Ceux qui sont en ville sont perdants, parce qu'on l'a bien vu que les produits de base, ça augmente. En général, ça redescend jamais autant. Donc, c'est quand même si c'est un escalier, il a quand même tendance à monter constamment, même avec des petites redescentes. Et puis, pour ceux qui sont dans les campagnes, ils n'arrivent pas à profiter de l'augmentation des prix, parce que c'est tellement fluctuant qu'il y a une telle incertitude. Alors, quel est le rapport entre nous? Parce qu'on pourrait se dire, bon, mais ça touche tout le monde, hein. L'augmentation du prix du blé, ça touche 10 fois plus les gens au sud que nous, parce que nous, c'est vrai, le vrai problème, c'est d'abord nos salaires. Il ferait mieux d'être mieux payé, on ferait mieux d'avoir des loyers, qu'il y ait un contrôle sur les loyers, mais ça serait mensonger de dire qu'aujourd'hui, les gens qui sont pauvres en Belgique, pour la grande majorité des gens qui sont en tout cas pas dans l'extrême pauvreté en Belgique, mais en tout cas tous les autres, le prix, dire qu'ils sont dans la merde à cause de l'augmentation du prix du blé, je peux pas, quoi. C'est pas raisonnable. C'est mentir aux gens. L'augmentation, les gens sont dans la merde pour plein d'autres raisons. Parce que les coûts de la santé sont difficiles, parce qu'il y a de la chasse aux chômeurs, parce qu'il y a plein d'autres raisons de faire de l'exclusion sociale, mais c'est pas le prix du blé. Par contre, si enfin le prix du blé devenait un prix, il peut doubler le prix du blé. Et puis après, on s'organisera pour que le pain, il double pas à la boulangerie. On peut s'organiser. Ça, c'est pas tout seul. Va falloir que ça passe par du politique, quoi. Faut qu'il y ait des contrôles sur les prix. Ça paraît peut-être très contrôle, mais en attendant, ce qui a sauvé les gens dans l'histoire du temps, c'est plutôt de faire gaffe qu'il y ait un contrôle étatique et qu'on ne laisse pas faire les puissants. Alors, ça c'est pour l'histoire du prix. Alors, qu'est-ce qui nous relie au prix? Eh bien, là, ce qui nous relie, notre responsabilité, en, quelque part, entre, pour les gens qui vivent au Nord, c'est que, c'est peut-être pas ici, que je dois pas le dire qu'ici, on doit le dire partout, c'est qu'on a tous accepté de mettre au pouvoir des gens qui ont mis en place ce système où on a pendant 30 ans tué les paysans et qu'aujourd'hui que les prix augmentent, ça ne leur sert même pas parce que c'est un prix fluctuant. Donc cette idée de que l'agriculture, elle va être, ça va être l'offre de la loi et de la demande, que ça doit être la, qu'en fin de compte, le seul qui va pouvoir s'en sortir, ce sont les gros, ça, c'est un modèle. Et ce modèle-là, c'est un modèle qu'on applique aussi bien dans l'industrie, dans le textile et bien dans l'agriculture. Dans l'agriculture, ça touche 1% et demi de personnes en Belgique et entre 40 et 80% dans les pays pauvres. Donc on a, notre responsabilité, c'est d'avoir laissé mettre au pouvoir des gens qui étaient pour la concurrence au niveau agricole. Et ça, c'est criminel. Il fallait mettre au pouvoir des gens qui disent non, l'agriculture, c'est un travail important, les prix agricoles, ça doit faire partie d'un projet agricole et on doit s'organiser pour qu'il reste plein de petits agriculteurs. Parce que ce sont ceux-là qui donnent du boulot. Ce sont, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ceux qui appliquent les méthodes agricoles les plus durables. Donc là, les gens qui utilisent des pesticides, les gens qui exploitent les autres, c'est dans les grandes exploitations. Et en général, c'est des exploitations agricoles qui sont destinées à l'exportation. Et donc là, on a notre responsabilité, mais j'ai envie de dire que la première chose qu'on doit faire, c'est aller parler à ceux qui décident et ceux qui ont le plus d'influence sur ceux qui décident. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on essaye de faire. Vous êtes en train de mettre en place un modèle qui est destructeur. Il détruit l'environnement et il détruit la société. Parce qu'en fin de compte, les seuls qui peuvent s'en sortir, c'est ceux qui vont grossir, racheter la terre du voisin, appliquer les méthodes les plus industrielles. Qui peut s'acheter un tracteur climatisé avec une cabine et puis bazarder des pesticides et pas en souffrir? Parce que tous les autres, ils savent très bien que c'est pas bon pour eux. Hein. Vous prenez un tracteur sur lequel il n'y a pas une cabine, eh bien, il met les pesticides, le lendemain, il a mal à la tête. Bon, et 6 ans plus tard, il a un cancer du cerveau. Donc, les gens qui ont ces méthodes-là, c'est que les riches qui s'en sortent bien. Donc, on a petit à petit, on a laissé partir un modèle où on a mis de l'argent sur ceux qui étaient les plus gros. Alors, pourquoi on a compté là-dessus? Et ça, c'est aussi un imaginaire qu'on a plein de gens d'entre nous, on l'a dans la tête, c'est que ce qui marche bien, c'est ce qui est gros. Plus on est gros, plus on est fort, plus on peut résister aux autres. Et on nous a inculqué la peur d'avoir peur des autres, même peur des pauvres. Et c'est ce qui se passe en Europe. On a dit, t'es obligé de grossir, t'es obligé de devenir plus grand, parce que sinon, les pauvres du Brésil vont te tuer. Et c'est vrai qu'au Brésil, eh bien, il y a des gens suffisamment riches pour acheter les mêmes tracteurs que nous. Ils sont suffisamment riches pour acheter des champs 50, 100, 1000 fois plus grands que les nôtres, puisque la taille d'une exploitation en Belgique, c'est 40 hectares, et qu'au Brésil, on la trouve régulièrement des exploitations de 1000 hectares jusqu'à 8000 hectares. Et puis par contre, il y a une grosse différence, c'est que le salaire, il est 100 fois inférieur. Donc, comme on leur a dit, fais gaffe, au Brésil, ils sont 100 fois moins chers que toi, ils ont autant de tracteurs et autant de terres que toi, tu as intérêt à faire. Et donc, on a grossi en essayant d'avoir peur du Brésil. On a utilisé, eh bien, alors forcément, nous, on a utilisé un modèle qui est complètement stupide, où on a fait disparaître tous les paysans pour qu'il n'en reste plus que 2-3 avec des grosses fermes, avec des méthodes, avec beaucoup de chimie, beaucoup de machins, beaucoup de tracteurs, beaucoup de pétrole. D'ailleurs, quand il n'y aura plus de pétrole, on sera bien ennuyé. Et le problème aujourd'hui, c'est que plein de gens regardent l'Europe en disant c'est sûrement bien chez eux, hein, puisqu'il y a des soins de santé, puisqu'on peut tomber malade, puisqu'on peut avoir, des enfants et avoir droit. Donc, sûrement, ce qu'ils font, c'est bien. Ben, c'est pas du tout la bonne méthode. Ce qu'on a appliqué comme méthode, si on fait la même chose que ce qu'on a fait en Europe partout dans le monde, il y a 1 milliard de personnes, on est 6 milliards, il y en a au moins 1 milliard qui n'a plus de boulot. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce 1 milliard de gens qui n'ont pas de boulot? Le micro, ouh, le micro est ouvert à toi. Oh. Quoi, moi, je me sens concerné. Bon, des fois, c'est... Parce que bon, souvent, on se dit, par rapport à qui, à quoi? Moi, je dis mon avis, c'est ce que je pense, quoi. Personnellement, moi, ça me touche. Mais oui, mais... Enfin, je sais pas si... Non, mais ça, je suis d'accord, mais c'est point de vue... Allez, ils disent, par exemple, si... Moi, je veux vous dire que... Bon, on dit... Non, en fait, moi, je voudrais poser la question... Mais, du coup... Moi, je pense, donc... Mais non, en fait, mais c'est vrai que c'est... Disons que... Et que voilà, quoi. Et je me dis que... Moi, je pense bêtement... Mais alors, j'en suis pas si sûr. Bah, ça dépend. Enfin, moi, je trouve personnellement, moi, je suis... Je crois quand même que... Mais non, mais enfin, tout le monde... Non, disons... Enfin, je veux dire... Moi, je trouve... Je suis pas tellement d'accord à ce moment-là. Enfin, j'hésite entre les deux parce que d'un côté,